Tous les parents qui nous écoutent vont savoir de quoi je parle. Chaque matin, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente, des centaines de milliers de parents accompagnent leurs enfants chez la dame qui les garde. Elles sont 300 000, ces dames qui prennent soin de 740 000 petits. Le ministre délégué à la famille présente aujourd'hui un projet qui va donner à ces dames enfin un vrai statut. Catherine M., bonjour. D'abord, on va éviter les confusions. Il ne s'agit pas des nounous qui viennent chez vous, mais des assistantes maternelles qui reçoivent les enfants chez elles. Elles sont un maillon fondamental dans la vie des familles et enfin, elles vont recevoir des garanties comme n'importe quel salarié. Oui, parce que tout simplement, elles rejoignent le droit commun du travail. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que leurs employeurs devront fournir un contrat de travail écrit et des fiches de salaire. Ce n'était pas toujours le cas jusqu'à présent. Ensuite, point fondamental, elles ne travailleront plus à la journée, mais à la semaine ou au mois. Les parents doivent les payer même si l'enfant est absent. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Ils ne pourront plus invoquer des circonstances contraignantes pour expliquer que l'enfant ne vient pas chez sa nounou. Cette formule a été supprimée. Cela veut dire qu'il faudra fournir un motif sérieux, un certificat médical pour justifier l'absence et le non-paiement. Est-ce que les nounous seront mieux payés d'une façon générale? Eh bien, cela dépendra du nombre d'enfants gardés. Elles peuvent désormais s'occuper de 3 équivalents plein temps. Par exemple, de 2 enfants à plein temps et de 2 autres à mi-temps. Cela leur permettra de mieux gagner leur vie. Selon le ministère de la Famille, cela peut représenter une augmentation de 17% en moyenne. Il faut savoir qu'une nounou gagne en moyenne 540 euros net par mois, que 25% n'arrivent pas à 300 euros mensuels et qu'une sur 10 touche un salaire supérieur à 900 euros, surtout dans les grandes villes type Paris, Marseille, où la demande est forte. Dernier point, elles pourront fixer elles-mêmes leur date de congé. C'est plutôt mieux pour les nounous, mais c'est aussi plus de tranquillité pour les parents. Oui, parce que ces nounous devront se former avant d'accueillir un premier enfant. Entre l'obtention de l'agrément et l'arrivée du premier enfant, elles devront effectuer 60 heures de formation. Et ensuite, elles pourront continuer à se former, ce qui leur permettra d'arriver, via la validation des acquis professionnels, à l'équivalent d'un CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, petite enfance. Dans ce cas, l'agrément pourra être attribué pour une durée illimitée. Actuellement, il est limité dans tous les cas à 5 ans. Le gouvernement cherche à professionnaliser le métier de nounou, une nécessité pour le rendre attractif, car il faudra trouver 450 000 candidates en 2010, selon les projections du commissariat au plan.